Bonjour à tous, c'est Tibulus, le petit lutin du Père Noël, et je suis content de vous retrouver pour ce podcast de l'Avent. Je vous rappelle le principe, c'est exactement comme un calendrier de l'Avent, sauf qu'au lieu de se manger, les surprises chaque jour, elles s'écoutent. Et moi et mes amis lutins, on adore faire des bêtises, alors c'est l'occasion de vous raconter nos plus belles bêtises. Et il y aura également des surprises, parce que j'ai plein d'amis, notamment le Père Noël. Et celui-là, je peux vous dire qu'il est connu et très demandé. Et on retrouvera dans ce podcast une interview. Alors pas dans cet épisode, parce que dans cet épisode, je vais vous raconter comment nous avons piégé le Père Noël. Et il n'était pas content une fois de plus, mais nous, ça nous a fait encore bien rire. Excusez-moi, mais parce que la bêtise qu'on a faite, elle était tellement drôle. Je vous explique, le Père Noël, quand il a fini sa tournée de cadeaux, eh ben pour lui, c'est le moment de remercier tous ceux qui l'ont aidé. Et il y a du monde. Il remercie les lutins, bien évidemment, qui construisent les jouets, les bûcherons qui ramènent le bois pour construire des jouets, pour réparer le traîneau, ou pour tout simplement faire du feu pour réchauffer Mère Noël qui est à la maison et qui prépare des très bons chocolats. Il y a également, ben, je viens de la citer, la compagne du Père Noël, Mère Noël, il faut la remercier elle aussi. Et tous ceux qui s'occupent des rennes, les rennes du Père Noël, vous savez, ces petits dresseurs de rennes qui, toute l'année, préparent ces fabuleux animaux pour la tournée des cadeaux. Eh bien, toutes ces personnes qui contribuent à la magie de Noël, à la fin du 25 décembre, le Père Noël les convie autour d'un vin. Un vin chaud pour les remercier et c'est l'occasion pour lui à travers un discours de remercier toutes ces personnes. Et ce jour-là, nous les lutins, on a voulu lui faire une blague. Alors il prépare son vin chaud avec beaucoup d'attention, il met des épices, il met du vin bien sûr et il fait chauffer le tout. Mais ce qu'il ne savait pas le Père Noël, c'est que dans son verre à lui, nous avions glissé beaucoup de poivre. Alors quand il a fait son discours, à la fin il a voulu porter un toast, lever son verre de vin chaud et remercier tout le monde. Sauf qu'au moment de boire, lui, il n'a pas bu la même chose que les autres. Il a bu un vin chaud avec du poivre. On l'a entendu tousser jusqu'au Groenland. C'était trop drôle. Et ça s'arrête pas là. Hein. Comme il avait la gorge en feu, le Père Noël, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a demandé un verre de lait à nous autres les lutins. Mais le verre de lait, on l'avait piégé aussi. On avait mis du piment liquide. C'est un piment très fort que le Père Noël a bu avec le lait. Et au lieu de calmer sa gorge irritée par le poivre, ça a multiplié les effets. Le Père Noël, il est devenu plus rouge que son bonnet. Oh là là, il n'était pas content, mais nous autres, on riait aux larmes. Et attendez, c'est pas fini, parce qu'il voulait vraiment quand même calmer sa gorge en feu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité sur le pot de miel, et dans le pot de miel, on avait mis aussi un ingrédient magique, du sel. La tête qu'il a fait, parce que franchement, du miel et du sel, ça se marie pas du tout. Et tout le monde l'a vu détaler chez lui, dans son chalet de Noël, et il a voulu se laver les dents, et une fois de plus, on avait piégé sa brosse à dents, et on avait remplacé le dentifrice par du fromage. Oh, il a pas eu une très bonne haleine! Après toutes ces aventures, on lui a finalement versé un grand verre de vin chaud, que des bonnes épices et du bon vin, et tout le monde s'est réconcilié autour d'un grand verre. Mais nous, ça nous a fait une belle histoire à raconter pour ce podcast de l'Avent et des bêtises à ne pas faire, bien sûr, mais c'est ceux-là qui font le plus rire. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine bêtise. C'était Tibulus, le petit lutin du Père Noël. Ciao !